studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. Ce sont les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 10 au 16 novembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Hello, Jean-Philippe! Hello! Et en version complète. En version complète, ben c'est ce que j'allais dire. En fait, la semaine passée, c'était la version beigne de toi-même. Oui, sans le milieu. Il manquait le trou. mais là, on va avoir la boule de viande, la boulette, la grosse boulette. Oui, je suis le fourré de la semaine. Parce que tu sais, les beignes fourrés, ouais. Ils sont complets. Ouais. Plus le crème à jambe dedans. C'est vrai, c'est ce que je vous offre aujourd'hui, cette semaine. C'est un bonus pour la bouche. Ça va nous crémer partout autour de la bouche. Ça va être génial. Donc, Jean-Philippe Charbonneau avec moi tout au long de l'émission pour évidemment 3 heures de la meilleure musique que c'est fois à offrir. De pur plaisir. Pur plaisir. On va avoir là-dedans Palmer Rest in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés. Oui. Hein? On a un instant classique pour dire au revoir au meilleur moment de la semaine passée d'assemblage requis. On s'était fou pour dire au revoir aux pièces qui étaient sur le fut un temps. On a d'ailleurs le palmarès pour dire au revoir à David Ferron. Bonne journée à toi, bonne soirée. Plus des nouvelles entrées. Ben oui, Mathieu. Des nouvelles entrées. C'est la portion New Shit qui commence l'émission. On a quand même pas mal cette semaine. Oui, plus en anglo. Oui, plus en anglo. J'en compte 8. 5 en anglo, 3 franco, n'est-ce pas? Exact, Mathieu. C'est vrai. Donc, plus tard, en anglophone, on va avoir Caribou, Rich Aquin, Return for Refund, Melly Grove Band et Lisa Leblanc. En francophone, on va avoir Philippe Brac, Noem et Machine Géante. Est-ce que c'est avec ça qu'on débute les 20e places, toi? Ben moi, je pense que oui. Puis un peu plus tard dans l'émission, Mathieu, on va savoir si c'est encore Guillaume Beauregard qui est numéro 1. Tu fais bien de le dire en anglo. C'est OK Go avec Bright as Your Eyes. Mm-hmm. Ouais. Donc on va commencer tout de suite, je pense, avec les machines géantes hein, et l'effet veuve noire. Tout de suite au palmarès, c'est fou. C'est ça que t'écoutes. Hey toi, c'est ça que t'écoutes toi. C'était branché, man. T'es hot en maudit. Gold in his eyes, he got gold in his smile, and she don't.

Valley Grove Band et Don't Wanna Say Goodbye en position numéro 19, anglophone, nouvelle entrée. En francophone, nouvelle entrée, 19e place également, Mathieu, c'était Noël avec À courir de l'album Le Grand Mensonge. Oui, avant ça, on a entendu les 20e place en anglo, Lisa Leblanc avec Gold Digging Hoedown. Et en francophone, c'était Machine Géante avec L'Effet Veuve Noire. Hey, c'est-tu un bon bloc de 4 nouvelles entrées, ça? Mais c'était délicieux. Si seulement c'était terminé, on pourrait dire, ah, c'est délicieux, je m'en vais, mets la chaîne dans le divan, mais non, il en reste d'autres. Il reste un deuxième service. Oui, monsieur. On appelle. On va commencer avec les 18e place, tiens. Donc en anglophone, c'est Return for Refund avec leur deuxième extrait de l'album Return for Refund, c'est TV Light. Et nous, on a laissé tomber une chanson de Philippe Braque pour une nouvelle chanson de Philippe Braque. Donc ça sera Philippe Braque avec C'est tout oublié. C'est qui déjà? J'ai déjà oublié c'est qui? T'as juste dit trois fois. Philippe Braque. C'était un défi. Philippe qui? Je me suis fait 5 piastres. De tout pas mal assez fou. Quand je cherche dans mon verre plein, je me retrouve dans mon verre vide. Puis là, je deviens toute sec, puis beaucoup trop lucide. Je redeviens à jeun. Je commence à dire n'importe quoi, puis tout au fond de moi, ça croît. Oui, j'ai plus peur de moi. Ça fait que débarque au bord, puis prépare mon salut des pieds. Oh, moi, shooter de Jagger, que je fasse honte à ma mère. De toute façon, je me sens bien, parce que je sais que demain, c'est tout oublié. Et je pourrais t'oublier. Je me tiendrai comme un homme. Scotch, scotch, je me rallume un autre botch. Jagger, j'ai mal au cœur. Ça fait que débarque au bord, puis prépare mon salut des pieds. Shooter de Jagger, que je fasse honte à ma mère. De toute façon, je me sens bien, parce que je sais que demain, c'est tout oublié. Et je pourrais t'oublier, mais c'est tout oublié. Entrée. Mmh. For Refund et TV Light en position numéro 18 anglophone. Et en 17e anglophone, toujours Rich Aquin avec Four More Years. Et non, oui. C'est Philippe Braque. T'as tout oublié? C'est Philippe Braque, oui, oui. C'est pas grave. Bon, ah oui, c'est vrai. C'était, là, c'est pause. Plus, ouais, c'est ça. Ouais, dans le fond, ça, c'était les 18e. Oui. Il nous reste encore de nouvelles entrées, mais du côté francophone, on n'est plus de nouvelles entrées, c'est fini. Non, c'est fini. C'était Philippe Braque avec ses tout oublié. J'ai tout oublié, Mathieu. Mais ah, c'est ça, Colin. Je change tout le temps. C'est pas ta faute, c'est la vieillesse. donc, on va sauter quelques pièces, mais ça, on va le dire après avoir fait jouer les nouvelles entrées. Il nous reste un dernier bloc de nouvelles entrées, c'est les positions 17 et 16 anglophones. Donc, on reste complètement en anglophone. Plus tard, il y aura Caribou avec Our Love. Et c'est là qu'on écoute Rich Aquin avec Four More Years. Hey, c'est fun, ça. Ah. J'y arrive. Ah oui, ça va venir. Oui. Il reste un mois et une semaine à ma face. Oui, c'est ça. Qu'on me dit. Non, ça me rattache, hein, je suis sûr. Ben oui, mais non. Je m'enferge partout. Hey, crime. Moi, les erreurs techniques, ça, on se complète bien. Ah, ben voilà. C'est comme ça. C'est des palmarès, c'est fou. C'est slogan, ça. C'est ça. C'est comme c'est ça. Ça t'apprends où aller, c'est ça. Il y en a qui disent on l'œil, nous, c'est ça. C'est ça. Got fun, fun, yeah. Fun, fun, yeah. You're only here so long. exploration. C'est fou, 89.1. 16. Nouvelle entrée. Don't you? manchot. Il y a un gars qui dit quelque chose dans la chanson, puis j'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Va voir les Larry. Ouais, genre. La fille a dit clairement Our Love, parce que c'est le nom de la pièce qu'on va entendre de Caribou, Our Love, sur l'album Our Love, nouvelle entrée en 16e place anglophone. Et avant le petit bloc pub, c'était Rich Aquin avec Four More Years. Voilà pour les nouvelles entrées. Il y en a 8 en tout, donc on doit dire au revoir à 8 autres pièces. Ben, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Donc on s'en va dans le palmarès. In peace! Just now. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. N'ayez pas peur, je suis joyeux comme une fleur de tournesol. Ben quoi c'est rare que j'encule mon âme ou que je parle le nom de ma boussole. Non, non, non, non, non, dis-tu pas, hein? Hein? On a tout du fun en gang. Ne mettez-moi pas en tabarnak, je pourrais retomber sa mauvaise tête. J'ai déjà voulu être riche aussi. C'était des extraits des pièces qui ont quitté les Palmarès Cifous depuis l'édition du 3 au 9 novembre 2014. On a commencé avec un extrait de Philippe Braque avec Dans ma tête qui reste avec nous cette semaine. Sont suivis par Pandaléon et Basse-Cour qui a duré cette semaine. Tout de suite après, il y avait Danny Placard avec la chanson aussi 8 semaines avec nous. On a continué avec Rich Aquin qui travaille fort dans les coins avec Want to Believe qui a duré cette semaine. Mais il faut. J'ai perdu mon. On s'est fait rembourser. Oui, c'est ça. Donc c'était Return for Refund avec The Fields 8 semaines. Ensuite, on a couvert le chaudron pour laisser la vapeur s'échapper de Coves avec Beatings qui a duré 5 semaines. Notre plus petite semaine cette semaine, c'était Secret Sons avec Cold Coast, 4 semaines seulement. On a gardé cette pièce-là secrète, si on veut. Oui, c'est ça, c'était une pièce secrète dans la même lignée que les shows cachés. Genre. Et la dernière qu'on a, elle me gossait pas pantoute, Gosling avec Harvest of Gold qui a duré 5 semaines. Et voilà. Et c'est dit, c'est tout, c'est fait. C'est les chansons qui nous ont permis de vous présenter des nouvelles chansons. Exactement, c'est grâce à eux. Cette émission est présentée par les 8 pièces qui nous ont quittés. Voilà. On fait Palmer Rest in Peace juste après les nouvelles entrées dans la première heure New Shit des Palmarès, c'est fou. Exactement, Mathieu. On continue maintenant, on va sauter par-dessus plein de choses. On l'a pas dit tantôt, mais en francophone, on saute par-dessus les 17 et 16. Donc, Les Erreurs avec Bonne Fête et Salomé Leclerc avec Arlon. Du côté anglo, on saute les 14 et 15. Oui, Mathieu, t'as inversé, mais ouais, c'est pas grave. Raison, c'est vrai. C'est The Bar Brothers avec Alf Crazy, puis on va sauter aussi par-dessus Broncho qui était stable, 15e position avec Class Historian. T'as tout à fait, j'ai inversé les choses, t'as tout à fait raison. Ben, c'est correct, je suis pas stressé du tout. Non, ça te force à apprendre à suivre, en fait. Oui, c'est ça, exactement. C'est mail un peu. Mais j'ai réussi à suivre, c'est pas vrai. Je suis content. Si je te donne les réponses. Ben oui, c'est ça, c'est facile. C'est pas un bon prof, ça. Comment les faire demain. Apprends au gars à animer, pas animer à sa place, il pourra devenir un animateur. Plus tard, j'ai essayé de transposer l'histoire poissons, du pêcheur. Un pêcheur, c'est ça, c'est donne un palmarès à un animateur. Oui! Fais-le à sa place et il apprendra. Jamais. Jamais. Et laisse-le faire. Là, on se comprend. Ouais, c'est ça. Mais on se comprend, en fait. On se comprend plus, mais on se comprend. L'analogie était très bonne au départ, jusqu'à maintenant que je te la gâche, tu vois. Oui. Mais mettons qu'on devrait continuer en musique, mettons. Mettons que tu voudrais vraiment qu'on aille peut-être aux positions 15 et 14 francophones. Moi, je pense qu'on va se faire un bloc francophone. Cool. Plus tard, on écoutera Caravane avec Saint-Raymond qui monte de 4 qui était une nouvelle entrée la semaine passée. Oui, mais on va commencer avec la 15e position, Mathieu. C'est Bernary avec la toune qu'on sait pas trop comment prononcer. C'est Crouch-Couvard. C'est des palmarès, c'est fou. Jusqu'à plus tard. Ouais, plus tard. Là. On verra. Oh, ouais. C'est selon. Au goût. Chaque gorgée de rhum me ramène au début de nos histoires. Chaque gorgée de rhum me rappelle que c'est l'automne. J'ai plus envie de boire pour oublier qu'il faut recommencer. Je me fous des rockstars de fin de semaine, puis ce qu'ils pensent de moi. Et Saint-Raymond en 14e place francophone. C'est de nouveau la semaine passée, ça monte de 4 places. Et qui descend de 4 petites positions. Bernary avec Krejčíková. Oh que oui, oh que oui. Maintenant, on saute par-dessus d'autres affaires. Donc, du côté anglophone, on va sauter par-dessus Elephant Stone avec Motherless Child Loves Not For War qui descend de la 5e. Alors qu'en 12e, on va descendre de 8 places avec The Last International et Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood pour entendre... Dans quelques instants, Orange O'Clock avec Home Run qui est stable. Oui, en francophone, on va être obligé de sauter par-dessus Canaille avec... Texas, pardon. Uh-huh. Donc, qui passe de la 8e à la 13e position. Mais tout de suite, on va entendre Sago avec Transsibérien qui est stable à la 12e position francophone. C'est un beau petit bloc, je trouve. 33% parce qu'on joue 2 des 6 pièces pour terminer là. 33%. Hey, on a des trucs ici en onde, là. en studio, plutôt. On se parlait de maths en onde. Oui, c'était plaisant. Bah, on fait ce qu'on veut. Ah ouais, c'est les palmarès, c'est fou. Slogan, on fait ce qu'on veut. Ben oui, c'est ça. That door. This game's kind of fun to play. I don't wanna be. I

corps de femme presque félin tiraillé comme une panthère apeurée sur les chemins insensibles dans un goulag à pleurer à grand train déraillé. Sago et Transsibérien, stable en 12e place francophone. Et stable également en anglophone, c'était à la 11e place, c'était Orange au Clock avec Home Run. Mm-hmm. Alors, on a sauté plein d'affaires, mais on a parlé tantôt. La seule qu'on n'avait pas mentionné, c'était Propofol en 11e franco, La Rivière qui descend de la 3e. C'est la fin de la première heure, New Shit. On revient dans la 2e heure avec la portion top 10 de l'émission. Oui, Mathieu. Tu vas être là, même au milieu. Certes. Tu vas être là aussi. Mm-hmm. Fait que vous, soyez-y. Ben, puis je regarde ça rapidement. Ça va être bon. Oh, wow! Un scoop! Ah non, je regarde mon lunch. Donc. Merci, Guy. De rien, Roger. Attends. Fou de nouveautés. 89.1. C'est la deuxième heure des Paroles Assez Fous pour la semaine du 10 au 16 novembre 2014. 2014, il est Jean-Philippe Chabonneau. Oui, c'est la bonne date, il est Mathieu Plante. C'est une bonne date. Ah, ok, oui. C'est une bonne date, oui. C'est une bonne date qu'on a là ensemble, toi et moi, toutes les semaines, les mercredis entre 14h et 17h. On rappelle les vendredis 17h et dimanche à midi. Wow, Jean-Philippe Chabonneau. Belle plug. Mais les plugs, c'est notre métier en radio. Donc, on est dans la portion top 10 de l'émission, c'est-à-dire les positions 10 à 6, en fait, ainsi que les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Exactement. Ça, ça vient après le deuxième bloc. Mm-hmm. Mm-hmm. En milieu d'émission, cette partie. Dans fait. Ces eaux-là, je te dirais. Puis ça tombe que c'est le milieu de l'émission. Ça a-tu pas d'allure? Le milieu de tout. Je pense qu'on le dit. Exact. Donc, 10e place du côté anglophone, on va entendre The Pretty Reckless et Absolution qui monte de la moitié du palmarès, donc de la 20e à 10e, deuxième semaine de présence. Et qui est bien stable en 10e position, c'est Lord Larry Edges avec Rien ne va plus. Hey, c'est-tu bien effoiré, lui, hein? Yeah. Hey, bien évaché, là. Rien ne va plus. Lord Larry Adjust, au palmarès, c'est fou. 89 FM. Faites de même. Levez vos mollets et le reste de vos jambes. Et le reste suivra. Ce que vous en avez, c'est ça. Vous prenez les parties que vous avez pour vous les lever. J'ai marché vers le son, blinded by the lights. Cherché la même chanson, my whole damn life. Une symphonie, but are we spent money? Mais c'est rien comme ce qu'on m'avait promis. Dans tous ces fucking models, man, they all look the same. Tous ces chambres 212, man, they all look the same. Tous ces champagne bottles, y'a plus rien qui goûte, plus rien. Non, rien, ne va plus, rien. Ne va plus, ne va plus, ne va plus, ne va plus, ne va plus, ne va plus, ne va plus, ne va plus, ne va plus. Rockstar, bum life, rockstar. Cheap champagne sur le custard. Médecin papa sur le Doc Martin singing. Something in a way, something in a way. Something in a way, something in a way. And I'm back again, les mêmes flammes qui m'embrassent again. Main trompe quand j'en parle again. Cinq sens qui s'enfagent again. J'ai voulu peindre le ciel, voir la vie en bleu. Trop de drogue, vision blurred. My life's a mess, I kinda like it. Blinded by the lights pour un premier de Marty, man. Axel Rose is the god of rap. Les fuckboys marchent un char de mal. Jean Leloup, one eye white girl qui fait du kitesurf après un car de crack. Rock and roll, I be the god of that. Guacamole, so the bugs are lag. With a larger stack in the back pocket than me black leather pants. All I'm Marilyn Manson, ah. J'ai marché vers le son, blinded by the lights. J'ai tout laissé derrière, j'voulais vivre un rêve.

The Pretty Reckless Absolution. Ça franchit là, la moitié du palmarès en 10e position anglophone. Et stable en 10e francophone, c'était Lord Larry Edges avec rien de pas plus. Ah, lui, hein, ses jeux sont faits, comme on dit, puis rien. Il est tombé dans notre case pour un. Une affaire de belle. C'est compliqué les paroles de ça, je trouve. Ah, oh, ça va. Je comprends rien. Tu ça va? Oui. Ça va, c'est du rap. Hein. Ouais. Pas supposé comprendre. Pose pas de questions, c'est du rap. C'est comme les rap, hein. C'est comme, oui, on parlait de ça tantôt. On parlait de petite crédité, petit rap. Ça remplit pas bien, ben, mais tu comprends. C'est, ça a eu lieu. Ben, c'est mangé. Ça. Ça a eu lieu, puis voilà. C'est ça. T'sais, quand on dit Sodexo, c'est Soso des fois. C'est Sodexo, so, c'est ou c'est Soso Dexo. Ou si t'es combine, c'est Soso Dexo. Soso Dexo, Soso. Soso Dexo, Soso. On se comprend. Ouais. On y va pareil. C'est ça. On dit bonjour à la public, non, en passant. Oui. On était rendu au position numéro 9. Jean-Philippe Schrapp Bono. Du côté anglophone, c'est The New Pornographers avec Dancehall Dominé qui monte de 10 places. Et puis je te dis encore Sam, la 9e position franco, Mathieu, ça bouge pas. Brigitte avec Cabouche, que veux-tu? Ah, c'est comme chez Costco, hein. Ils vendent des produits à noix de coco. Fait que j'ai fait le jeu de mots de Cocos Coco. C'est Cocos Coco. C'est le même que j'appelle ça derrière. Ah. C'est Soso d'Exoso. Oui, comme c'est la joke. Cocos Coco. Moi, je les aime bien, ces jokes-là. Des mash-up de mots. Oui, c'est oui. Mon domaine. Vous êtes au palmarès, c'est fou. Cocos Coco. Cocos Coco. Cocos Coco. Merci. De rien. fièvre prend fin. M'aimeras-tu demain? Sur tes mains, m'aimeras-tu demain? 9. Il fallait écouter la pièce de très près pour connaître vraiment la prononciation de Dancehall Dominé par The New Pornographers qui monte de 10 places en 9e anglophone. Et en 9e francophone, c'est stable par rapport à la semaine passée. C'était Brigitte avec À bouche, que veux-tu? Ouh, que c'était sexy tout ça. Position numéro 8, tantôt, on aura Fanny Bloom et Dead From Above 1979. Mais avant ça, Jean-Philippe. Oui, je pense que c'est le moment de retourner en arrière, Mathieu. Mais tu dis vrai, Jean-Philippe? Ah, certes. C'est un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 3 novembre 2014. Quand je me suis levé, c'était lumineux. Oui, c'était lumineux. Mais ils vendent en Titi, c'est. Ils vendent aux enchères, comme on l'appelle. Hein? Ça, c'est une nouvelle expression, je trouve. eBay, style 2014, ils vendent aux enchères. Ouais. Ouais. Mais avant ça, allons écouter The Stripes. OK. OK. Avec. Excuse-moi, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, là. T'as l'air d'avoir un fou rire. pas tout à fait, comment dire, explicable. Tout à fait compréhensible. Ben, tant mieux! Évry de la drogue! Hey! On a aussi ma chronique Une grosse pointe à l'adresse où on goûte à quelque chose que j'ai jamais goûté, puis je te le fais goûter. C'est parfait. C'est ta graine. Hey boy! Mais c'est sûr, tu y as. Je pensais pas vivre mais ça, mais c'est sûr, tu y as jamais goûté. Non, je t'es pas assez souple. Hey, ne me sous-estime pas, on me dit très très flexible dans ma vie. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle est longue aussi. Aussi, et large. Parce que là, ça aurait l'air bizarre, c'était juste un genre de spaghetti. OK, il est quelle heure, là? 7h39, ça a de l'allure. Ouais. Parler de graines à 7h39, ça a de l'allure. C'est comme en camping. À partir de 8h, tu as le droit de boire de la bière. Ah, ça, je sais pas ça. On interrompt nos discussions sur la nourriture et la bouffe, même si cet homme est clairement... Je sais pas, de l'appétit mangeable. Je sais pas qu'est-ce que j'allais dire avec ça, mais ça serait de toute façon déplacé complètement. Tu t'en vas où avec ça? Je sais pas. On vous pousse à faire l'aventure douce. Ça me rappelle, tu parles de l'aventure douce, ça me rappelle les salsas pour amener ça au culinaire, tu sais, les salsas douces, les salsas piquantes. Mais toi aussi, on sait pas, le plein air piquant et le plein air con queso aussi. Oui, au fromage. Le fromage en plein ça. Tout à fait, il y en a. Tu l'aimes bien celle-là. C'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est vraiment le meilleur. Avec un peu de jalapeno sur le dessus. Ah oui, faut que ça fasse des bulles quand c'est ça. C'est ça. C'est excellent. Les ours, ils changent de couleur, eux autres? Oh. Ben, ils changent de vieillesse. Okay. Il y a des poils blancs, ou? Ouais. Ben, pas tout à fait blanc, mais ils grisonnent, ouais. OK. Pour vrai? Ouais. Et est-ce qu'il peut prendre du Just for Bear? Donc, on disait d'ailleurs de quelqu'un de constipé qu'il chiait des carottes. Mais non. Ce qui est extrêmement vulgaire. Wow. Ou extrêmement vulgaire. Oh! Un peu plus tard, ne vivre de carottes, c'était vivre très chichement. Pas comme le poids, là. Mais... Chichement, t'as dit? Non, OK, on l'arrête. C'était... Le vinaigre. Et pour ceux qui ont écouté la version censurée de cette émission sur les ondes, on parle de vie afro-américaine, bien sûr, donc du vinaigre. Oh! Ça faisait des bips, je pense, à la radio déjà. Tournez au vinaigre! Ah, oh, bête! Bip, bip, bip, bip! Marie-Laurence Audet, tu l'as dit en début de chronique, c'est ta case régulière, oui. Même si je m'en souviens pas, parce que ça fait un petit peu qu'on n'a pas fait ça à ça. Oui, on se promenait dans l'horaire. Là. C'est ça, on gambadait avec les chroniques de loisirs. De retour le mercredi à 8h30. Voilà. C'est comme jouer à Marel, tu sais. Voilà. On finit par se rendre au paradis, hein, avec Stéphanie. C'est ça? Ça, c'était n'importe Marais? Quoi. Je sais pas. On a sauté pied en pied de case en case. Oui. Pied en pied de case en case. Sur mes cases avec des schistes. C'est exact. Tu ramasses des roches. Serpent et échelle. Les lances d'en face. Dans quelques instants, Master Steph. Oui. Oui. On sera au bout. Oui, c'est vrai. Oui. Deux chroniques culinaires en fin d'émission. Ça va être le fun. C'est un petit peu trop pour nous, je pense. Un petit peu trop. On va voir. Ouais, je vais te dire quand j'aurai pas faim. Hein. Je te dirai pas ça souvent. Ouais, c'est ça. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On t'en dirait des studios de 6 fois à Trois-Rivières en ce jeudi 6 novembre 2014. On dirait que t'as eu une hésitation lorsque c'est venu le temps de dire ton nom. Mon nom? Non. Je le souligne. En mettant un espace avant et après, je fais que les gens le retiennent. OK, t'es prétentieux. C'est exactement ça. T'as tout compris. Pour garder au frais... nos têtes l'hiver, tu sais, ce qui protège du froid, c'est du cellophane. Si on s'enveloppe la tête dans du cellophane, je pense que ça va nous... Paraît que tu peux maigrir aussi. Oui, aussi. Ou mourir. Faut autant que t'en mettes plus que les autres. Ouais. C'est mon rôle à l'émission. Jeudi, dernier jour de la semaine pour bien des gens. Certains l'appellent jeudredi. Tellement c'est le dernier jour de la semaine, c'est vrai. Jeudredi. N'importe quoi. C'est vrai, je te jure. Jeudredi. Justine Redi. Justine Pertine. Marquis de Sade, c'est lui qui a. En tout cas, c'est un des. Des premiers sadiques, mettons. C'est avant Gian Gomeschi, là. Ah. C'est son prédécesseur. Excusez-moi. Gian Gomeschi. Aïe, aïe, tu vas hard aujourd'hui, ouais, un peu comme lui. On sait pas. Tu filmes ça avec un petit ourson avec une caméra. T'as-tu vu ces détails-là? Non. Parce qu'on aborde pas plus de détails, mais il y a un petit ourson, puis il filmait ses actes sexuels. C'est ridicule. Mais c'est souvent là que le lendemain matin, Colette Provencher, que. Brisant! OK? Ou est-ce qu'il y a une dépression? Maudit hystérique, hein? Colette Provencher, hystérique, c'est connu? Évidemment. C'est connu. Je suis pas capable de se retenir en onde. Non, il fait un blizzard dehors, là. Ben, si tu vois, dans le fond, le char dans un demi-kilomètre, t'es pas dans un blizzard. Ouais, on oublie ça. On oublie on ça. Oublie on ça. Oublie ça. Ah, ah, ah, ah. Dans environ 5 minutes, ce sera les filles de deux. Filles deux styles. Une émission. 2-2-1. 2-2-1. 2-2-1. 2-2-1. Non, t'avais dit qu'il fallait faire un chiffre impair la semaine passée, je me rappelle. 2-2-1. J'ai mis la meilleure maman. Je viens de faire un chiffre impair. Ben, c'est ça. En tout cas, bref. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 3 novembre 2014, toujours avec une semaine de délai. Oui, puisque cette semaine n'est pas finie. Ben non. Pour la plupart de nous. Ben c'est ça, pour la plupart de nos auditeurs, sur la plupart de nos stations et d'autres formules toutes faites comme ça. écoutez, assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30, avec Stéphanie Paradis et moi-même, Mathieu Plante. Et si vous manquez l'émission en direct, premièrement, mais les meilleurs moments drôles sont dans un instant classique. Les meilleurs moments de chronique en tant que tel sont dans Le meilleur de ses fous. Et ça, c'est les vendredis matin à 7h et les samedis à midi. Voilà, vous le savez maintenant. Ouais. Non, vous le savez maintenant. Non, je peux pas dire ça. Ah, c'est ça qu'il y a d'une autre station de radio qu'on veut pas savoir que ça existe. Donc, position numéro 8 du côté anglophone, c'est Dead From Above 1979 avec Trainwreck 1979. Ça monte de 10 places. Et on va commencer. Commençons. On va commencer avec Fanny Bloom, avec Sammy qui passe de la 6e à la 8e francophone. Sors-moi ta flûte de pain de ton pantalon. 5, 6, 7 et 8. Ouh. Ah, t'es bon. Il joue directement dans ses pantalons avec d'autres choses que sa bouche. Ça s'appelle une flûte de peine. Bravo. Merci. Point vert. Tu ne cours plus et ton souffle a repris sa cadence. Tes fantômes se sont tus et la paix est revenue claire et franche. Alors la lumière est entrée par le bout de tes doigts. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. Vos amis, amis, après nos élans défendus, j'ai décidé de ce qui ne m'appartenait plus, et j'ai fait ça pour toi. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. Vos amis, amis, prénoms et l'un défendu. J'ai décidé de rendre ce qui ne m'appartenait plus. Et j'ai fait ça pour toi. 8. Dead from Above, 1979 et Trainwreck 1979 en position numéro 8 anglophone. Et en 8 francophone qui descend de deux places, c'était Fanny Bloom avec Sammy Sammy. Mm-hmm. Au retour, la chronique C'était fou. Au palmarès, c'est fou. Restez là. Il faut rajouter un instrument à chaque minute. Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Vous êtes toujours au Palmarès C'est fou avec Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. Oui, on arrête ici. On fait nos pièces de palmarès. Probablement qu'on n'aura pas le temps d'en jouer d'autres dans cette heure-ci parce que ce qui nous attend, c'est le bloc C'était fou. Fait que, allons-y avec C'était fou.

sourire. Sweet old lashes lie, celebrate your dreams when you are away. Doesn't it taste so sweet? Like it's growing on up, growing on the tree. C'était fou pour la semaine du 10 au 16 novembre 2006. On a commencé avec le numéro 1 francophone. À ce moment-là, c'était les trois accords et Gratte-moi sur leur album Grand Champion International de course. Ensuite, le numéro 1 anglophone. Ça donne tout le temps. On dirait qu'à chaque C'était fou que je fais, il y a tout le temps du I'm a Robot. Mais ça tombe comme ça par hasard parce que c'est vraiment la semaine dans laquelle on est il y a X années. Exact. Donc, I'm a Robot et Creeps Me Out sur l'album Monument to the Masses. Et finalement, mon choix parmi le reste, Patrick Watson avec Luscious Life sur l'album Close to Paradise. Mm-hmm. Aussi, dans cette même semaine du 10 novembre, il y avait du Mimi Van Der Glo, Galaxy, Vulgar Machin, Caféine, Demi Robitaille, Malajube, Vincent Vallière, La Baroque Machine, il y en avait un mot du paquet en franco. En anglo, Beck était là. Il y avait quoi d'autre? Iron Maiden, Grim Skunk, Wolf Mother, The Mars Volta et un paquet d'autres affaires. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Mm-hmm. On fait C'était fou en deuxième heure habituellement. Justement, on est rendu à sauter plein d'affaires, mais faire jouer une seule pièce. Oui. Donc, du côté anglophone, on saute les 7 et 6. En septième, c'est The Stripes avec The Perfect Storm. Et en sixième, The Rural Alberta Advantage avec On the Rocks. Et oui, en francophone, on saute la septième qui était en onzième. C'était Chocolat avec Burnout. Et puis, on va écouter Oli Laroche avec Enveloppé ensemble. Au 89 FM. Un bond de 11 c'est... positions, Mathieu. 11 positions. Hey, imagine ce que tu peux faire comme plein d'affaires avec 11 positions. Ouais. Ok. C'est des positions sexuelles, je parle. On avait compris. C'est bon. On avait compris. Okay. Je Oli Laroche avec Enveloppé Ensemble, Mathieu, pour mettre fin à cette deuxième heure. Oui, c'est déjà le reste. Il nous en reste une troisième, une chance. Ben heureusement. Une chance. Il va y avoir le top 5 là-dedans. On va savoir d'ici la fin si le numéro 1 anglophone est toujours OK Go avec Bright as Your Eyes. Et en francophone, on va savoir si c'est encore Guillaume Beauregard avec De pluie de cendre. On a aussi la section ailleurs dans les palmarès. Ah oui, ma préférée. Bref, au palmarès, il faut rester avec nous. Je vais aller préparer mon tonnant d'été. C'est toi. Transformation. C'est fou, 89.1. C'est la troisième heure des palmarès fous pour la semaine du 10 au 11, au 16, pardon, 10 au 11. C'est pas une longue semaine, mais ça. C'est un peu court. Semaine du 10 au 16 novembre 2014, il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Oui, c'est la portion top 5 de l'émission. D'ici la fin, on va voir ailleurs dans les palmarès, on va savoir qui sont nos numéro 1, on va avoir tout fait ce qu'on avait à faire, puis après ça, on met la clé dans la porte. C'est ça, vous nous écouterez en reprise. Exactement, c'est ça. Écoutez les trois diffusions de l'émission, parce que quand il y a trois diffusions d'une même émission, c'est parce qu'on y croit vraiment. Une seule reprise. C'est comme, OK, cool, ça va, je comprends. Deux reprises, attends un peu, là. Attends un peu. C'est le summum. C'est comme au baseball. C'est trois prises, hein? Ouais. Coup de circuit. Cœur circuit avec le petit robot. Oh, wow! Ah, ça, c'était cute. C'est cute. Position numéro 5, anglophone, c'est de Pack 80 avec Cellophane qui monte de 12 places de voix la semaine passée. Oui, en francophone, Mathieu, c'est notre ancien numéro 1 de la semaine passée, Guillaume Beauregard, de pluie et de cendre. Ah! Oh! Il va falloir attendre une heure pour savoir c'est qui le nouveau. Hey! C'est donc bien négatif, ça. 45 minutes. Ouais. Il y a le temps passe assez vite. Peu importe les mots et la manière, peu importe les ombres et la lumière, toutes les blessures du temps sur la conscience, toutes les raisons de confesser la démence, à toutes les minutes et à toutes les secondes, peu importe les bêtises que je te raconte, à tous les coins et les rues et les tournants, si je vois rouge comme le sang, mon âme pour te croire. Peu importe si tu lis entre les lignes, peu importe les alarmes et les signes, peu importe les cris et les échos, peu importe la chair et le sang et les os. 5. The Pack ID et Cellophane montent de 12 places en 5e anglo. Et notre ancien numéro 1, Guillaume Beauregard, avec De pluie et de cendres, qui redescend à la 5e place. Ah, De pluie et de cendres qui redescendent. Qui redescendent, si oui. On veut. C'est beau, ça. On pourrait dire ça. du côté des 4e places maintenant en anglophone, on retrouve l'ancien numéro 1, déjà retombé de 3 places, Bright as Your Eyes. C'est en 4e anglo. Et qui fait un très beau bond hein, de 12 positions, qui passe de la 16 à la 4e francophone. Ça va être deux pouilles en cavale avec Ouais, mais là. C'est comme je veux dire, c'est ça, franchement. Avec un point d'exclamation. Ouais. Et en bonus, on écoute l'intro de l'album. Oh, wow! C'est cool, hein? J'aime ça, moi. T'es wild. Ben ouais, mais ça. C'est fou, hein? 89 FM, ça le dit dans le nom. On est fou. Fou de wild. Fou de wild. L'album a été conçu spécialement OK, go away, Bright as Your Eyes, lancé numéro 1 anglophone, maintenant en 4e place. Et deux pouilles en cavale de pluie. Et non, c'est Oui, mais là! Non, mais là! Qui monte de 12 places. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Ah, je sais pas. Avant de passer à Kepler, KPLR et Tops, on va passer à notre segment célèbre avec sa chanson thème non moins célèbre. Voici Ailleurs dans les palmarès. Vocalise. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Ça se passe ailleurs. Is it somewhere else? Oh, wow! Oui, Mathieu. Parce que le palmarès, c'est pas juste top 20 puis un top 20 anglo-franco. Ben oui, dis-moi en plus, qu'est-ce que c'est aussi? C'est peut-être un top 30 des albums. Non. Oui. Arrête ça! Un top 3 des 10 canadiens? Mais non! Je te jure! Inacceptable! Un top 10 de la musique loud. Mm-hmm. Et un top 5 du musique du monde. Ben voyons donc, on va regarder ce qui se passe là-dedans. Alors, du côté du top 30 des albums, il y a plusieurs nouvelles entrées. En fait, j'en compte 5. En 30e place, Stone River et l'album Euphoria and Lovesick Blues. En 29e, Coco Melies et Lighthouse. En 24e, Flying Lotus et You're Dead. En 18e, le Melly Grove Band avec Bones of Things, qu'on a entendu en début d'émission. Même chose pour Caribou en 15e place. Avec Our Love. Oui, puis regarde ça comment je vais combiner ça, Mathieu. Parce que là, je vais vous faire le top 3 des albums. OK. Le top 3 du top 30 albums. Puis c'est également le top 3 des 10 canadiens. Donc on t'écoute juste une fois et on a deux fois le contenu. C'est ça? Voilà. Donc wow. Vous avez juste à faire les liens. Donc numéro 3 des deux, c'est Tops avec Picture You're Stirring, pardon. En deuxième place, c'est Die Mannequin avec Neo Zero et Electric Youth avec. Inner World, c'est ça? Ouais. Inner World, numéro 1 du top 30 album et du top 3 disque canadien, Mathieu. Génial. Et vas-y. Oui. Ouais, dans le top 10 loud, on a une seule nouvelle entrée, Jean-Philippe. Ben oui, c'est ça, c'est At the Gates avec At Where With Reality. En troisième place, on trouve Laugh at the Fakes et l'album Dethrone the Crown. En deuxième, c'est stable, Revocation avec Deathless. Et en première, c'est stable aussi, 8e semaine de présence pour l'album Blood is My Trademark par Blood God. Mm-hmm. Alors, dans le top 5 musique du monde maintenant, Mathieu, on a une nouvelle entrée. Donc, c'est Mardi Gras de Pierre Quenders. Ouh! En deuxième place, c'est la pièce Pitcha par Orange Blossom, qu'on a écouté la semaine passée. Et en première, c'est stable, 4e semaine, pour la pièce Hayat par l'artiste Kiran Aluwalia sur l'album Sanata Stillness. Et voilà, mais je pense, Mathieu, qu'on va aller faire quelque chose. En fait, on va aller entendre la pièce que tu as si bien mentionnée. Donc, dans le top 5 musique du monde, on va aller écouter Mardi Gras feat Jacobus Pierre Quenders. Tout de suite dans la section ailleurs dans les palmarès. Des palmarès, c'est fou. We'll be right back. Pierre Quenders et Mardi Gras featuring Jacobus de Radio Radio. Eh oui! Oui! Donc ça, c'était la position numéro 3. Nouvelle entrée dans le top 5 musique du monde. Si vous aimez la musique du monde, retrouvez le top 5 au complet à l'émission Palmarès du monde les lundis à 18h. Ça repasse les mercredis à 17h ainsi que les samedis à RUP 15h. Voilà. Ma page était pas assez large pour voir les deux, l'émission et la carte d'horaire. Si vous pouvez essayer la formation complète, on remercie David Ferron pour son top 5 musique du monde. Et on retourne à nos positions, enfin à nos top 20 francophones et anglophones. T'es rendu au 3e place. Oui, tout à fait. Du côté anglophone, on va entendre Tops avec Way to be Loved qui monte de la 7e place. Et qui monte de la 20e place à la 3e place francophone. Kepler avec Scaphandre. Ben, mais ça, toi. Kepler, à ce qu'on sait comment le prononcer. Ouais, on Kepler. Nous a dit ça. Qui? On a appris ça de. C'est lui qui dit ça. Ben, oui, c'est marqué sur son site, prononcé Kepler. Kepler. C'est écrit comme ça. Voilà, arrête de qui pleurer. Hein. Ah oui? Et qui pleure dans la pluie. Tu l'hiver. Ah, c'est pas ça. Non. Le beat est pas pareil. Non, c'est pas ma meilleure. C'est des palmes assez fous. Faites vos emplois si j'hallucine. Si j'écris des noms à l'encre de Chine. Partout sur les murs de mes pieds à ma tête. Si je deviens fou. Thank you. the way that you wanna be seen. Face that won't forget you. Photographic memory. Impression that you're drawn to. Make it good. Top, c'est Way to be Loved. C'est en troisième place anglophone et ça monte de la septième. Oui, qui passe de la vingtième à la troisième francophone, c'est Kepler avec Scaphandre. Mais un Kepler. Kepler. KPLR. On n'est pas allé voir ce que ça voulait dire, KPLR. Non, c'est ça. Ça s'appelle juste comme ça. Ah oui, juste KPLR. Il veut pas qu'on sache. Du côté des deuxièmes places maintenant, en anglophone, c'est Sucker Punch par Dee Mannequin sur leur album Neon Zero. Ça monte de 4 places. Et qui monte de la 7e en deuxième francophone, Miroir au miroir de Mordicus. Oh, on s'approche dangereusement du sommet. Ça s'en vient, Mathieu. Miroir, miroir, dis-moi qui est au sommet. Ben, je te le dirai après avoir écouté ce délicieux bloc. Une chose à la fois, hein? Ben oui, tu skippes des étapes. Je suis de même. Oui. Direct au sommet. Ah. Et au top. C'est pas mal, c'est fou. J'ouvre les yeux une autre fois. Je veux du changement. Yeah. du changement. Je veux les choses autrement. Mannequin et Sucker Punch, deuxième position, ça monte de 4 en anglo. Et oui, qui passe de la 7e à la 2e, on vient d'entendre, pardon, Mordicus et Miroir, Miroir, ça bouge. Ah, cette chanson-là me fait tellement triper les boules, les balles, les billes. Ah oui, deux fois Miroir, deux, ouais, c'est ça. C'est ça, genre. Faites vos liens. Faites les liens que vous voulez, un peu comme je vais faire les liens que je veux avec les positions numéro 1, parce que oui. Position numéro 1 veut dire jeu de mots poche. Et oui, et on est obligé de subir ça à chaque fois. Jeu de mots poche, ou comme je viens de faire, un jeu de mots de poche. OK. Parce que ça me faisait triper les balles, les boules, les bébés. Ben oui, exactement. Et un peu comme un camion, en fait. Tu sais que les camions ont souvent des truck nuts. Ok, tu oui. Une paire de testicules à l'arrière du camion, tu savais ça? Ça existe, ça? Ça existe pour vrai? Là. Ok. Les truckers portent ça sur leur camion. Cherchez-les, achetez-les. C'est des vrais. Pas des vrais, en fait. Parce que si c'était des vrais, ce serait un peu comme. Difficile d'en trouver. Hein? Parce qu'il faudrait que tu trouves quelqu'un qui est prêt à se débarrasser de ses testicules pour mettre à l'arrière de ton camion. Mais ça, vous faites ce que vous voulez. Il faut les prendre jeunes, c'est important. Tu leur donnes un petit choc électrique à un jeune. Electrocute, t'as pas. Et s'il s'enfuit en courant. Ben, Colin, tu cours après et tu te retrouves dans une autre dimension, sous la Terre peut-être, dans un monde intérieur. Oui. Ah, celle-là, il marche pas vraiment, mais quand même. Ben quand même, Mathieu. C'était des belles, des beaux essais. Merci, explique-nous ça, s'il te plaît. Oui. Donc, numéro 1, anglophone, Mathieu, c'était numéro 2 la semaine passée. On écoute Runaway, hein, tu l'as parlé, on court, de Electric Youth. Youth? Youth? Youth. Youth. Mais c'est pas... Et puis, c'est Inner World. Exact. L'album, donc c'est notre numéro 1 anglophone cette semaine. Et puis, ben, pour le truck, hein, on comprend que c'est le truck de la shop avec les gars de ma shop. Numéro 1 cette semaine. Assez fou. Avec une paire de testicules. Coquin, allez, Mathieu. Oui. Ça, c'est quand quelqu'un qui s'est fait envie de se faire. Oui, oui. c'est ça, oui. C'est pas l'air assez fou. Oui. Loadé. Mais les gars sont encore arrivés. Faut la main qui se grouille, le truc est bien dans le coup. Les s'asseoir comme on peut faire un assez chaud de bouquin. Avec les gars de ma shop. Avec les gars de ma shop. Deux ans moins quand le truc est déjà stallé. Ben oui, c'est Frank qui l'a pas trinqué. Ben c'est toi qui pousse, man, c'est ben plate. Mais tu vas t'user sur l'asphalte. 2, 3, 4. Approchez-vous du truck. Du truck des guns de ma shop. Assois la veillée à volet. On va caler des chats. Ça veut qu'approchez-vous du truck des guns de ma shop. Faudra bien manger, on n'a pas une scène de payer. Ni une ni deux, faudra bien qu'on sauve. Avant que la serveuse finisse sa pause. Avec les gars de ma shop. Avec les gars de ma shop. On pousse trop fort pis on défonce le mur du bar. Au bord c'est bien notre luck. On veut plus le stage, il reste juste le truck. 2, 3, 4. Approchez-vous du truck. Du truck des gars de ma shop. Assois la veillée à votre aide. Hot puisqu'il y a le monde jusqu'à pas. Ça fait qu'approchez-vous du truck des gars de ma shop. Avec la broche. La broche. Approchez-vous du truck. Du truck des gars de ma shop. À quoi la veillée, à votre aide. Hot, on va caler des shots. Faut que t'es même garder nos culottes. Mais c'est pas garanti. C'est pas garanti. C'est pas garanti. Première position. position numéro 1 de chaque côté pour la semaine du 10 au 16 novembre 2014. Wah-ha! C'était Electric Youth avec Runaway qui monte d'une place à Minor World. Et qui monte d'une place également. C'était les God Mashup avec le 3 de Mashup. Hey Mathieu, rapidement, pour ceux qui nous écoutent en direct le mercredi, juste vous dire que si vous avez aimé les God Mashup, ils seront en spectacle demain au Nord-Ouest. Oh, Nord-Ouest, c'est une présentation, bien sûr, de C'est Fou 89. Bien sûr. Ah, ben voilà, parce qu'on est vraiment en courant de la musique underground. Voilà. Voilà. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain, mercredi prochain, évidemment. Entre 14h et 17h, il n'y a jamais eu d'autre jour pour ça. 14h à 17h le mercredi. C'est les palmarès C'est Fou en direct. On repasse les vendredis soirs à 17h. Restez là pour les Bonnets Rouges, Jessica et Punka. Et finalement, les dimanches de midi à 15h. Restez là en général. J'ai oublié de vous dire que les mercredis, ce qui nous suit, c'est Palmarès du Monde avec David Ferron, puis Audiomatique et les Audacieuses. Voilà. Oui, Mathieu, c'est fou.ca. Pour la programmation complète. Oui, assemblagerequis.com. Pour les notes d'émission et les balado-diffusion. C'est beau ça, Mathieu. Merci, Jean-Philippe. On va se quitter avec une dernière chanson. T'as bien raison, une pièce qu'on a sautée précédemment. C'est du côté francophone, la position numéro 7. Oui, elle est passée de 11 à 7. C'est Chocolat avec Burnout. Yeah. On se voit la semaine prochaine, en vrai. En physique. Sinon, ben, on se réécoute en rediffusion. Fait qu'on n'anime plus par Skype, ça veut dire. On peut le faire pareil, si tu veux. À la semaine prochaine, JP. Bye. À vous irez voir sur Assemblage Requis le nom de l'émission, ça va être bon. Ah, c'est bon. Oui, pour ceux qui vont comprendre le gag, faut écouter l'émission. Et voilà. Bye, JP. Adios.